ici Pierre-Luc. Ici Yannick de Trois-Bières. On vous invite tous les deuxièmes mardis du mois au bar Les Passages sur Rachel pour les soirées enregistrement de Pas de problème et pour le broadcast. Vous avez un problème? Ils ont un podcast! Yeah! Vous avez un problème, nous avons un podcast! Alright! Wouh! Bonjour et bienvenue à la balado diffusion Pas de problème, ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric! Salut Martin! Mathieu Bouillon! Ça me fait énormément plaisir. Salut Mathieu! Mmh. Et notre invité, un retour! Après un mois et demi d'absence, le Louis Courchesne! Bonsoir Frédéric, ou bon matin, peu importe le moment où est-ce que la balado diffusion est écoutée. Je dirais bonsoir pour l'instant. Ben oui. Étais-tu fier de vivre le 175e podcast? C'est énorme. De Pas de problème. Il y a très peu de choses dont je suis fier dans ma vie, et ça, c'est une des choses dont je suis très fier. Yes! Yes! 175, et hein? Et la petitesse de mon pénis. Donc... Vous allez pouvoir dire « j'étais là ». Oui. Quand Louis a dit que mon pénis était petit. Oui, oh, ça veut ça. Dire ça, petitesse. Désolé, c'est pas ça que je voulais dire. Tu veux dire tristesse, la tristesse de ton pénis. La grande tristesse. Non, toi, tu voulais dire un petit test. Oui. Oui, donc, pas de problème. Avant, tout d'un coup, quelqu'un arrive là et écoute ce podcast-là pour la première fois puis entend Louis parler de son pénis avant même qu'un problème soit abordé. On va expliquer c'est quoi Pas de problème. D'accord. C'est très simple. Vous nous envoyez des problèmes, on en choisit un, on l'aborde, on dit ben des niaiseries, puis un moment donné, on sort des solutions quand il reste 5 minutes. Et en fait, on en sort plus que ça. On en sort beaucoup. 3. Oui. Et après ça, vous choisissez la solution que vous préférez, vous l'essayez, vous en essayez une, plusieurs, et puis vous nous revenez avec ça. Hein. L'important, c'est pas la qualité, c'est la quantité. C'est 3. Dans ce cas-ci, oui. Dans c'est ce cas-ci, oui. Et cette semaine, le problème est Martin. Oui, le problème est le suivant. Cette semaine, le problème c'est Martin. Ben, oui, c'est donc, vous autres. Donc, bonjour la gang. Le problème nous vient de Julien Blouin, premièrement, et qui va comme suit. Bonjour la gang de Pas de problème. Salut. Je commence tout juste à travailler dans un dépanneur et voici mon problème. Afin de me préparer au pire, j'aimerais savoir comment fait-on pour rendre un hold-up le plus agréable possible. Magique. Déjà, je commence à travailler dans un dépanneur. C'est un problème en soi, je pense. C'est vrai. Ouais. Savez-vous quoi? C'est pas un métier, j'ai travaillé dans un dépanneur. Mais toi, à l'époque. Oui, oui, oui. Mais tu fais encore des chiffres? C'était un problème. Oui. Mais j'ai vécu un hold-up aussi. Pour vrai? Pour de vrai? Oui. Ah, mon Dieu. Raconte-nous donc ça avant que la fille s'en aille. En fait, je travaillais au couche-tard au coin de Masson, Première Avenue. Nuit. Mon ancien couche-tard. Déjà ça. Ça, c'est un hold-up. En face de la caserne et vraiment pas loin du poste de police. Tu te dis, il ne devrait pas avoir de problème. Ben, c'est ça, mais t'es quand même maçon Première Avenue. Ben oui. Et il y a un gars qui gossait vers 5h du matin. Non, là, c'est toujours un gars. Julien, si tu vois quelqu'un gosser avec des chips trop longtemps, pose-toi la question. Moi, je me disais, coudonc, il doit être stone. T'sais, parce que justement, je travaillais à côté du bar Western, feu bar Western La Vedette. On salue les gens Stone. Oui, oui. Et on avait des spéciaux à 3h du matin. Donc là, je me suis dit, il sort de là, puis il cherche ses chips. Tu sais. Mais après 20 minutes, il pose la question. Et à un moment donné, quand tout le monde était sorti, il passe en arrière du comptoir et sort un couteau. Il voulait peut-être te le montrer. Oui, il a dit... Parce que les collectionneurs de couteaux sont pas souvent les plus... Les plus subtils. Bref, tout ça pour dire que j'étais tellement conciliant que mes patrons ont pensé que j'étais de mèche avec lui. Mon Dieu! Oui, et... C'est vrai, quand tu as offert de la marmelade à mettre sur son couteau, là... Non, mais. Il est-tu parti avec un sac de chips au moins ou il est juste parti avec l'argent? J'ai donné de l'argent. J'ai fait. C'est clair, je me bats pas. Je vais pas assez. Mais ça, c'est un truc. Ouvrir le podcast là-dessus, c'est, genre, c'est la chose à faire. Puis on le dit, oui. On le dira jamais assez souvent. Oui. Si vous êtes victime d'un hold-up, donnez l'argent. C'est pas ton argent. Non, puis peu importe ce qui se passe, donnez l'argent. De toute façon, tu fais déjà tes dépôts là, au je sais pas combien de temps. Oui. Cet argent-là n'est pas. C'est un avertissement clair. Hein. Donnez l'argent à moins que ça vous tente de jouer au héros. Ça, c'est cool quand même. Ouais. Mais sinon, donnez l'argent. Mais être clairement. Le héros, c'est cool quand même. Ouais, alors, mais tu risques ta vie pareil, là, à moins que tu sois un vrai héros. Ben, il faut prendre en considération si ta vie vaut si cher que ça. 480$, c'est quelque chose. Et c'est ça. Ouais, peut-être ta vie vaut pas. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Ah, puis il y en a un autre qui s'était poussé avec une caisse de 12. Ah, ça c'est pas un Il y avait plein de monde. Tu sais, il y avait comme un présentoir de caisse de 12. Il est parti avec. Hey! C'est quand même assez facile à rattraper quelqu'un avec une caisse de 12. Ouais, mais attends. Mais tu sais, 12 bières, c'est pas grave, mais 12 enfants. Attends, là, c'est dramatique. Il y avait plein de monde en ligne. Puis là, il y en a un qui fait ben, il va le rattraper. Je fais ben oui. Puis vous, la gang de morons va se payer après. Ben ouais. C'est bon. Ben ouais. C'est ça. Ils comptent tous après avec leurs achats. Mais des fois, c'est juste un oubli aussi. Mais bon, voulez-vous qu'on essaie de trouver des solutions quand même? Okay. Oui. Non, mais c'est des mises en contexte. Hein. Oui. Parce qu'on parlait de rendre le hold-up plus agréable aussi. Puis moi, je me suis dit que d'une façon intéressante, ça serait de rendre l'utile au désagréable. Parce qu'on se dit que ça reste que c'est désagréable. Puis peut-être faire des choses qui rendraient ça utile. Comme par exemple, j'avais se faire sécher les ongles parce qu'on a les mains dans les airs. C'est un bon moment pour se faire. Attends. Là, oui, c'est sûr que ça implique qu'il faut que tu te peignes les ongles à longueur de journée. Ouais. Mais quand ça arrive, le hold-up, ben tu peux te faire sécher les ongles. Ah, t'as ce temps-là. Yes. Ben, ça rend ça plus agréable, c'est sûr et certain, parce que sinon, t'es là, t'es mains dans les airs, tu fais « je calisse rien ». Mais si t'as les ongles mouillés de peinture, ben, tu peux les faire sécher. On appelle ça crise et opportunité. Mais peut-être avoir des petits boquettes pour tremper ses ongles. Ben oui. Au lieu de le faire toute la journée. Ben, je sais pas, je fais du chemin. Là. Non, ben chacun son pinceau, mais quand même. Oh, oui. Ouais. Sinon, peut-être comme en profiter pour pratiquer la chorégraphie en vue d'un éventuel voyage dans un club med. On se dit, on pratique pas souvent, puis qu'on arrive au club med dans le sud, puis on n'a pas pratiqué la chorégraphie, on a l'air nono. Et les gens rient de nous. Alors, vraiment, oui. Puis sinon, j'avais subtilement avancé une jambe en reculant l'autre et changé la situation en moment pour pratiquer une position de yoga. Ça pourrait être intéressant aussi de juste comme... C'est sûr si le gars prend son temps. Ben, si le gars prend son temps. Ou en levant les mains, tu le fais très lentement, fait que ça fait un peu tai chi. Ça fait tai chi, quelque chose d'intéressant. Donc, tu recentres ton intérieur, puis c'est un bon moment pour le faire. Parce que sinon, tu fais juste avoir peur. Non, mais toi, tu étudies à l'école de l'humour? Oui, malheureusement. Non, mais je veux dire... Ça, c'est un autre hold-up, effectivement. Je sais pas si... Je sais pas où tu voulais en venir là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Je sais pas si Julien Blouin, la personne qui demande, pose le problème, si cette personne-là est humoriste en herbe, mais si jamais c'est le cas, tester ses jokes sur la personne qui vient faire le hold-up. C'est un bon moment, mais c'est risqué, par exemple. Ça dépend de ce que la personne a dans les mains. C'est à main levée! Qui a les mains levées? Ben, c'est pas applaudissement! Puis il échappe son gun. C'est bagarre! T'as gagné. C'est ça. C'est important, c'est correct. Mais bon. Peut-être se renseigner sur le bas de nylon qu'il y a d'en face. Si des fous, il y en a tellement qui s'émaillent rapidement. T'sais, là, si lui est bon, tu dis, ouais, je sais qu'il est résistant à lui. Ça, c'est bon. Ouais, des faces de jambes. Hein. C'est bon, ça. Ouais. En 2008, ce qui ont été les derniers chiffres de Statistique Canada où ça les policiers ont rapporté les hold-up, on a recensé 32 281 hold-up dans tout le Canada, dont presque 6000 au Québec. Donc, on est une des provinces où il y a le plus de hold-up. Ça a chuté un peu au cours des dernières années. Mais quand même, on est une des provinces où il y a le plus de hold-up. Il fut un temps où Montréal était la capitale du vol à main armée. Ah oui. Et puis, le mouvement a changé parce qu'à l'époque, c'était surtout des personnes plus vieilles, des personnes bien organisées qui faisaient notamment des hold-up dans les banques, qui s'organisaient pour faire quelque chose de bien organisé. Ben oui. Puis je vois que tu en as ici 23 à l'île du Prince-Édouard. Est-ce que ça compte Diana Barry qui a volé de la liqueur de groseille chez Anne? Ouais. Ça doit être un de ces 23 là. Ça doit être ça. Ça doit être un de ces 23 là. Ben oui. Et puis, de nos jours, c'est moins des personnes plus adultes, plus organisées. C'est plus des jeunes qui font des hold-up à plus petite échelle pour se payer souvent de la drogue. Ah, et ouais. un courant qui est très qu'on entend souvent parler, c'est les personnes sans abri qui viennent faire un hold-up, ouais, dans le but de se faire pincer et de se faire amener en prison pour, ouais, passer l'hiver au chaud et avoir de la nourriture. Ben, bon, ou les journées chaudes, avoir de l'air climatisé pendant le temps du hold-up. C'est quand même intéressant parce que c'est donc, pas gratis, ces machines. Oui, la clim, des chips, un fou d'un. Bon, le frigidaire à bière, faire le load-up à partir du frigidaire à bière. Une des solutions que moi je suggère aux tenanciers du dépanneur, c'est de toujours se garder un sachet de drogue à sa disposition pour lui dire « Hey, attends un peu, je peux te fournir la drogue directement au lieu que tu m'en load-up. » Ou sinon, toujours garder un petit lit dans le coin, bien au chaud, avec des denrées pour lui dire hey, si c'est juste un endroit pour dormir avec de la nourriture que tu veux. Ben, sinon, s'il refuse les deux, tu peux prendre la drogue et te coucher dans le lit. C'est déjà plus agréable que le hold-up. Ou si jamais il n'y a jamais d'autre. Bon, buzz avec un gun. Ouais. Ouais. Moi, j'ai étudié le truc parce que c'est quand même un problème, ouais, loufoque. On s'entend, ouais, que, tu sais, je veux dire, la personne qui nous a envoyé ça, ça se peut que ça soit pas vrai. Mais je me dis, ça se peut qu'il y ait du monde qui cherche pour de vrai à rendre ça plus agréable. Mais se prépare au pire, c'est probablement vrai. Oui, oui, oui. Et justement, se préparer au pire, ça fait partie de mes solutions. Parce que souvent, quand on a un problème, que c'est désagréable, une solution, une situation, c'est parce qu'on n'est pas préparé. Puis qu'on se sent un peu comme court, et je me dis, ben, préparez-vous au pire, préparez-vous solidement pour de vrai. Fait que, il y avait des choses pour se préparer, donc commencez immédiatement à vous habituer à prendre des notes mentales du physique et du visage des gens que vous croisez, et rendu à la maison, pratiquez-vous à faire vos propres portraits robots. Hein? Ou comme peut-être faire un vol d'avion, puis jouer à qui suis-je dans l'avion. Ben non, ça c'était déjà pas une bonne situation il y a deux semaines. sinon, pratiquez-vous à évaluer la grandeur des gens qui vous côtoient. Mais là, sur le bord de la porte. Oui, hein. Là, sur le bord mais de la c'est porte. Rare qu'ils vont se mettre sur le bord de la porte en disant « Check, j'attends non, deux secondes quand, pour non, que mais faut tu qu'il passe saches. » par là. Quand il sort, il passe par là. Ben, des fois, t'es dans un pas, puis dans un pas, tu ratisses non, un non, peu. Mais ça, message aux gens qui vont faire des hold-up, passez la porte à genoux. Moi, quand j'étais jeune, je me disais souvent « Mettez-vous quelque chose de plus en dessous de votre casquette ou quelque chose du genre. » Fait que les gens font, oui, il était 6 pieds 4 facile, mais non, dans le fond, t'avais comme une pomme en dessous de ta casquette. Ouais. C'est intéressant. Non, moi, c'est plus facile de passer en petit bonhomme qu'avoir une pomme. Ouais, peut-être mettre plus un melon d'eau si tu veux changer ta grandeur. Ça dépend. Si tu passais par un Valmont, je savais. La pomme est quand même facile à avoir. Si tu roules depuis un Valmont, par exemple, c'est facile que dans ton parcours pour te rendre jusqu'aux caisses, ouais, ben, tu vas une noix de coco. Ou là, des skis au-dessus de ta tuque, là. Des gros skis, ils vont dire hey, lui, il était 14 pieds. Il est facile à reconnaître, il y a des skis sur la tête. Vous le trouvez, monsieur l'agent. Sinon, dans la même idée, là, si, tu peux préparer aussi. si c'est pas déjà fait, pratiquez-vous à identifier la couleur des gens qui vous entourent, parce que ça semble être une question qui revient souvent dans les interrogatoires de police. On parle souvent de la couleur des gens qui volent. Ou peut-être lui pitcher de la couleur pour faire « Quand il est parti, il était bleu. » Il était bleu. Ça, c'est intéressant. Oui. Moi aussi, j'étais bleu. Dans le sens du fromage. Non, non, de colère. De colère. Ça, c'est moins drôle. Moi, j'étais rouge. Lui, il était bleu. T'es mauve. Mais tu sais, il y a souvent les caméras puis une petite télé. Ouais. Peut-être demander à ses boss d'installer Photo Booth là-dessus. Puis de faire, hey, regarde, ça fait des gros nez. Oui, là, oui, on un fat boot, un peu, c'est ça. Comme, c'était rigolo quand même. Check, j'avais l'air gros. Reste avec. Ouais. Tu sais, regarde. C'est agréable. J'aime ça. À la limite, si tu ne retrouves pas le voleur, puis tu fais une joke, ben t'envoies ça à drôle de vidéo, tu te fais 200$. Bing! Tu gagnes une caméra, je pense. Eh oui! C'est ça qui arrive. Sinon, moi, j'ai des vraies informations sur comment prévenir. Non, mais je vais arriver à quelque chose au bout de ça, je vous le garantis. Donc, pour monsieur qui travaille qui commence à travailler dans un dépanneur, j'ai quelques petites suggestions pour prévenir, en fait, les hold-up. En fait, de toujours tenir son commerce en ordre, donc de s'assurer que ses effets personnels sont bien rangés. Surveiller les clients, toujours les saluer à l'entrée et à la sortie. s'arranger pour garder un ordre, un œil sur eux, comme Frédéric, tu as regardé le gars avec un sac de chips en se disant il a l'air louche. Donc, ouais, c'est capable d'identifier justement les. Le problème, les... c'est que j'étais sous. Ouais. Ouais. Se méfier des individus suspects. Donc, s'il y a une cagoule en rentrant sur la tête. De façon générale, c'est un truc qui marche pour tout ça, je te dirais. Ouais. Se méfier des individus ouais. suspects. Un boulet. Peu importe votre problème, commencez immédiatement. Une cape des crocs. Oh, donc, ayez à portée de main les numéros de téléphone d'urgence. Donc, on rappelle à la maison le numéro à composer si jamais vous êtes dans une situation d'urgence. C'est quoi? C'est le 911. Commence, fais 9, fais 1. Puis c'est quoi le numéro du 911? Ensuite... Excuse-moi, je faisais la grammaire à mélange. Installer un bouton d'appel d'urgence, un bouton de panique. Ah. Hein, tes petits appels, les petits boutons là, qui... Puis après ça, ouais. essayer, je sais pas, de l'entretenir le plus mais longtemps ça, possible. Trop de commerçants sont allés mettre ça à l'autre fond du backstore. Ouais. L'autre fond. Pas alors, le premier, l'autre. L'autre, le double fond. Celui où les magiciens vont chercher leur bière. Lui des chalus, là, lui où ce que les chalus sont. Ah ouais, ouais. ouais. Le faux fond. Le faux fond. Et, le faux fond. Et bien sûr, avoir plus d'un employé de service le soir ou la nuit. Ah ouais. Toujours. Et toujours. Sinon... Que faire pendant un vol qualifié? On demande de rester calme et d'obéir au voleur. Hein, comme Fred de fait, très bien agi, de faire seulement ce qu'il demande, de se concentrer sur ah, mais j'ai ce lâché que tu peux faire pour que ça se passe vite et rapidement. Faut pas t'en donner plus que le client demande. Levez les mains et ne bougez pas. Hein, et on peut en profiter pour se sécher les ongles, comme Louis a dit. Ne discutez pas avec lui. Essayez pas de le raisonner, de lui dire hey, pourquoi tu fais ça, ne fais pas ça, tu pourrais vivre une vie meilleure, tu vaux mieux que ça. Essayez pas de jaser avec lui et informez-le. Si jamais il y a un autre employé de cache en arrière ou que vous attendez quelqu'un qui est censé venir vous rejoindre, informez-le. Prenez-le pas par surprise. Hein. On essaie d'éviter les réactions de surprise. Donnez-lui ce qu'il demande. Soyez honnête sur l'argent qu'il y a dans la caisse et soyez attentif à tous ces éléments suivants. Mais imagine si tu fais tout ça, mais à chaque. Évidemment, tu dois y parler un petit peu. Là. C'est fait, OK, de moi à casse, OK, pas de problème. Mais. Pas de problème. Oui, c'est tu ça. Tu peux plugger ton podcast en même temps. C'est un podcast que j'écoute. Ben oui. Et ça va être vraiment une situation agréable, crois-moi. Pas de problème. Non. Mais si tu fais tout ça avec une voix phonée. Oh, ouais, c'est sûr que ça le met. Sans parler. Est-ce que, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, tu fais, ça sera pas long. Ben moi, si c'est moi, ça m'attendrit. Ouais. Je me dis, ah, ce gars-là, je l'aime bien. J'ai poigné un petit pas fin. Ouais. Et... Ou si tu dis, j'ai d'autres argent dans le sous-sol, puis là, tu fais semblant de descendre des escaliers. Peut-être que là, il va faire. Ouais, ouais. Il faut juste rester pour créer le show, un là. Doute. Là. Ouais. J'aime ça, moi. Et pour terminer, ce que j'avais commencé. Il faudrait juste tenter de mémoriser ce à quoi il touche pour essayer d'aller identifier les empreintes digitales après. Et surtout, ne pas le poursuivre. Donc, essayez pas de courir après. Donc, une des méthodes, ce serait peut-être de se faire une petite checklist de tous ces éléments-là à faire avant et pendant. Et pendant le hold-up, checker, oui, check. Au fur et à mesure. Toujours, ouais. Et là, de se dire, ah shit, j'en ai oublié un. Bon, prochain hold-up, ou l'imprimer il manquerait pas. L'imprimer sur un T-shirt et le porter. Oui, le porter pendant. Mais faut que tu te regardes dans un miroir. Non, toi, tu l'as appris. Parce que ce à quoi il touche, tu sais, des fois, tu sais pas, il peut avoir touché à tes valeurs, touché à quelque chose de bien secret que tu avais en toi. Ouais, tu sais. Mais il n'y a pas d'empreinte là-dessus. Oui, non, c'est ça. Moi, au contraire. Tu l'as dit d'ailleurs, Martin, j'avais ça comme note. Consolez-vous en vous rappelant que c'est un vol qualifié. C'est pas tous les vols qui le sont. Fait que le vote, il l'est. C'est intéressant. Ouais, qualifié. C'est pas comme un vol tout court. Là. Mais là, je comprends pas pourquoi les patrons mettent pas genre des 25 cents GPS dans la. Ben moi, je comprends quelle pourquoi, bonne Fred. Parce que c'est une idée de merde. Ouais. Quoi? Mais ben des 25 cents GPS. Non, mais je sais pas. Tu fais comme teint, tu vides la caisse dans un sac. Ben c'est rarement les. Mettons, c'est rarement les 25 cents. Non, mais c'est une bonne idée. Un GPS en forme de 25 cents que tu transfères à chaque fois de caisse en caisse. Là, tu peux le retrouver. Ah, une fois expliqué, c'est intéressant. C'est une super idée quand même, Fred, vraiment. Faut pas que tu te trompes à donner ce faux 25 cents à quelqu'un, un client qui vient de partir avec de la gomme ballon. Ben non, non, parce qu'une des solutions, le fun, c'est de mettre quelque chose de funny mais dans la caisse. Éventuellement, la monnaie royale va faire un 25 cents GPS. C'est sûr, oui, ils font des 25 cents sur n'importe quoi. C'est vrai. Il y en a des glow in the dark qui vont avoir des GPS le dans pas long. Le coquelicot, je pense que c'est un GPS. Le GPS, le coquelicot, les dinosaures glow in the dark. Mais êtes-vous familier avec le hobo money? Non. Tu veux dire le carnet de pipe, on revient. Non, le hobo money, c'est de l'argent fait de l'argent de clochard, un peu des contrebandes, là. De l'argent de contrebande, mais fait, tu sais. Lettre, le fait lettre. Oui, c'est ça, un peu BS, là. Puis tu mets ça là-dedans, puis à chaque fois que. T'en mets beaucoup. Oui, non, mais. Le gars, il arrive, il compte son argent, puis il fait. Ah, Grégory Charles sur un 20$. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Ah, c'est rien de voir en disant excuse. Ouais. Est-ce que sur les couche-tard, il y a encore des dessins de hibou? Parce que tu pourrais dire au voleur, tu le vois le hibou assorti? Ben, il vole. Comme toi. Tu sais, genre, mais il va te poursuivre. Ah, OK, comme t'sais, ça. Comme, ouais. Genre, c'est un dispositif. Ouais. Je dis pas que c'est la meilleure solution du monde, j'ai jamais prétendu à ça. Mais moi, j'ai une suite de règles, de solutions qui sont pour les aventuriers. Donc, des solutions difficiles à suggérer parce que possiblement mortelles, mais ça veut pas dire que vous avez pas besoin de les utiliser pour autant. Essayez, ça peut être la forme. Comme figer, pas bouger, faire la statue. Moi, personnellement, si j'étais la personne qui était en hold-up, là, qui faisait le hold-up, ça me ferait freaker puis je laisserais tomber mon hold-up. Tu sais, les statues peinturées là, dans le festival Juste pour rire, les trucs de même, le monde, ils sont peinturés en gris et ils bougent pas. Ça me donne pas le goût d'être tiré, ça me donne le goût de crisser mon camp le plus rapidement possible. C'est vrai. Essayez ça peut-être que ça peut être intéressant. Ou peut-être d'y donner, voire même de l'argent pour pouvoir faire le petit move qu'il va faire. Sinon, se déféquer dessus et en mettre immédiatement sur ses mains. Comme ça, t'as une chance sur deux que le voleur soit hyper dédaigneux. Dans ces cas-là, c'est réglé. Mais même s'il l'est pas, ben à cette heure, au moins, tu sais que. Il sait que t'es fucking sérieux. Ouais. Parce qu'il te regarde, fait comme, man, tu t'es chié dessus, tu t'en es mis ses mains, je deal avec quelqu'un de sérieux. Ouais. Ouais. Ouais. Mais tu peux aussi apprendre l'odeur de tes selles, tu sais. Si on n'a pas souvent l'occasion. Ben, je les connais déjà très bien. Oui. Ouais, sinon, ben, y a Hollywood nous a appris deux choses. C'est que ben, c'est le moment qui fait le héros. Hein? Et puis, tant qu'à jouer au héros, t'es mieux de le faire dans le tapis. Fait que moi, je me dis, si tu un hold-up, ben, t'enlèves ton top. OK, go ou fail, mettons, tu t'enlèves ton top. Tu te roules par-dessus le comptoir en criant la toune Chariots of Fire. Tu fais une jambette au gars. En tu criant le rattrapes. La toune? Oui, tu fais ta ta ta ta ta ta. Non, tu y vas dans le tapis. C'est ça que je t'ai dit. Tu veux que. Il y a des caméras de surveillance en plus. C'est sûr que ça va être un beau moment. Et ben, tu lui fais une jambette, puis au moment où il va pour tomber par terre, tu le ramasses, tu l'embrasses, tu le slugs, tu fais de quoi de gros, finalement. Tu sais, pour ça rappelle, que... ouais, ça va être agréable. Ben, parce que, ben, au pire, ça chie, mais t'as une belle mort, puis au mieux, ben ça fait vraiment des caméras de surveillance intéressantes. Tu sais, tu apprends un move d'Arturo Brachetti. Genre, t'as rasé les cheveux sauf un bout. Non, mais ce que je veux dire, c'est beau, t'es toujours prêt. Ah non. T'es toujours prêt à te changer en robe de soirée. J'aime ça. L'effet. Oh les mains, foum foum. T'es changé là, en robe ça. De balle. Puis là, il est confus. Et là, à ce moment-là, bing. Super. Ouais, mais héros. Tant qu'à ça, on prend un move de magie de Chris Angel pour changer son fusil moi, en banane. Moi, je vais te dire de quoi te battre. J'ai l'impression que si t'apprends un move d'Arturo Brachetti, t'es connais toutes. Ouais. Parce que c'est pas tant le costume qui dérange plus que comment Chris tu le fais. Ouais. Parce que c'est le move. Là. Après ça, Arturo Brachetti, chaque pas non costume plus. A son move. Si Arturo Brachetti nous explique, écoute, je m'excuse s'il nous écoute, là, mais je pense que c'est poche de même. Il y a un move. Là, attends. Il y a un frère jumeau, surtout. Lui, ben, son... Je pense que c'est ça, pour de vrai. Je pense que c'est un frère jumeau. Ouais. C'est pas un move, un frère jumeau. Ben, ça dépend. Parlez-en à sa mère. Faut en chier deux. Ouais. Il y a peut-être du linge qui déchire beaucoup, comme ceux du H&M. c'est juste ça son move. Il porte du H&M, puis il attend deux minutes. Puis il est déjà changé. Bang! Comme écoute, c'est fait. Là. Moi, ce que j'aime, c'est créer la confusion chez la personne. Ah oui, vraiment. Je pense que c'est là que j'aurais le plus de fun de faire. Tu sais, il fait « Oh les mains! » Tu parles dans une autre langue ou t'inventes des mots, puis voir son... Apprendre le move à Martin Deschamps de sa main weird. Oh, oui! Okay. C'est un move? Oui, c'est un move. Dans l'assistance que nous avons. Dans la confusion, on se met faire semblant que c'est un gars qui se pourrait. Parce que j'aime ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais! C'est un gag juste pour rire à l'inverse, c'est ça que j'aime là-dedans. C'est toi la victime, mais c'est toi qui pointe les caméras. Hey, ça fait une semaine qu'on est là à la terre d'un hold-up. Est-ce qu'on pas un vrai hold-up? Ouais. Ah, des rafraîches-fesses de policiers, oui! Ah, les policiers qui arrivent en jartel, fait mon Dieu! Il y a toujours un panneau de Denis Lavasseur. Il y a Jean-François qui est là depuis 3 semaines, qui a une solution pour nous. Oui! Il y a que des sexes! La toune de Benny Hill. Oui, une playlist de tunes funny. Tu passes ça. Oui, pas de problème, je te donne l'argent. Hey, tu es mon 50e hold-up! Pensez-vous que d'apprendre la voix de la petite policière de race noire dans Police Academy, tu sais, la fois qu'elle se choque, là. J'avais voulu te donner tout de suite. Puis elle crie « Non, je ne te parle pas !» Oui, c'est ça. Poupi, poupou. Ou la police, la police. Deux policiers. Oui, c'est intéressant. Oui. Mais sinon, peut-être dire « Hey, excuse-moi, je suis vraiment chum avec matricule 728. Ah, et que... si tu te fais pogner, tu vas être un film porno. Tu vas manger une sale volée. Ouais, ou prétexter, genre, que le Robocop arrive, tu sais. Oui, faire semblant que ta cuisse ouvre et qu'il y a un gun qui sort. Non, mais tu lui dis, hey, non, pour vrai, t'es vraiment mal tombé de mon hold-up en ce moment, là, parce que en ce moment, la SQ travaille sur un prototype mi-homme, mi-robot, et il est censé venir là au dépanneur pour me le montrer. Il est en train de pisser d'huile, c'est drôle. C'est moi, j'allais apprendre la magie, tu sais. Ça doit être super satisfaisant. Tu mets tout l'argent dans le sac du gars, mais dans le fond, quand il arrive plus loin, il n'y en a pas d'argent dedans. Ah, comme c'est d'autres bon. Choses. Puis si c'est ça que les caméras de surveillance ont vu, c'est super rentable pour toi aussi. Parce que, en fait, tu vas dire, on s'est fait voler. Mais c'est dans tes culottes qu'elle est. C'est super bon, ça. Il y a quelque chose de. Bon. Mais changer le fusil en banane. Décalisser son laptop avec de la bière. De la aussi. Bière sur son laptop. Mais dans une poche de riz. Du riz, du riz. Quelqu'un peut-tu nous chercher du. Du riz. Scott Towell. Scott Towell, voilà. Est-ce qu'il fonctionne encore? Quelqu'un ça, c'est plate. Oui. Ben ouais, mais c'est, il va c'est... fonctionner, c'est sûr. Ben, j'imagine que non. Dans du riz. Connaissant ma chance. Mais on est sur Twitter aussi. Malheureusement, plus sur l'ordinateur à Louis. Il a été tout seul. Mais Marc-André sur Twitter a écrit... Toute la nuit, mais je peux pas. Je regarde la porn. Un bon... C'est droit chez nous, Louis. C'est là chez nous, je vais en faire avec ma blonde. un bon nylon aromatisé à la fraise sur la tête. Mais ça, c'est pour... OK, tu... Ben là, ils se mettent dans la position du... Oui, c'est que... ça. Trouve c'est qui cette personne-là, puis envoie la police chez eux, parce que là, c'est... Steve Lévesque écrit « Tu fais jouer, travailler, c'est trop dur » de Zachary Richard. Et voler, c'est pas beau, c'est pour la suite. Mais c'est vrai, ça Babu. C'est vrai. Je sais pas c'est lequel. Faire un hold-up dans une banque de sperme. Oh. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Mettre un film en background ou être avec de belles filles toujours relax. Hey. Non, mais ça, il y a quelque chose là-dedans d'être de travailler son environnement. Tu sais, tu vois, je sais pas moi, le hold-up commence, tu te mets dans des crocs, tu changes de souliers, tu mets des crocs. Déjà, c'est plus... C'est antibactérien, c'est déjà bon. Ou, non, mais ou je sais pas moi, un petit tapis en mousse. Ouais, c'est ça. Tu fais « OK, attends une minute. » Tu pars un film, ta petite musique, des chandelles aromatisées. C'est de rendre ça romantique. C'est, mais que l'expérience, lui, il parlait de mais là, c'est qu'il y a un problème là-dedans. C'est que si tu y prends goût... Là, tout le monde va venir te hold-upper. Tu vas commencer à triper là-dessus. Ou, c'est ça. Mais t'avais un petit filon là, de prendre l'argent en même temps. Oui. Ben, moi, je pense que, tu sais, la fois qu'ils t'ont dit que t'étais de mèche avec le gars, d'être de mèche avec le gars, ça va être une façon d'être agréablement surpris à la fin. Tu n'auras pas. Ben, c'est ça, tu sais. Sinon, dans une des solutions qui sont mouillées présentement. Ah, tabarnache. Ben, c'est pas grave. C'est un ordinateur, c'est du matériel. on s'en crée, c'est ça. Un ordinateur à 1000$. Ben, ah oui, pour de vrai? Oui. Ah, c'ti. J'avais la solution de la pensée magique, la pensée heureuse, tu sais, de se retrouver dans une pensée heureuse, dans des moments comme ça de crise, de se retrouver dans une pensée heureuse, ça peut être ça peut changer les moments de crise finalement comme par des moments heureux. C'est sûr que tu chies ta pensée heureuse pour le restant de ta vie. Fait que, la fois où est-ce que toi et ta sœur vous avez trouvé comme genre de l'argent, tu sais, ben là c'est tu chies ça. Up, mais en même temps, t'as moins de stress par rapport à ton hold-up. Ouais. Bon. Ben peut-être, puis peut-être que dans un monde magique, tu te mets à voler aussi là. Mais peut-être de ça, mettons, tu ouais, comme si on suit le film de Peter Pan. Non? Oh non. Non. Aucun rapport. C'était ça la blague. Mais si admettons, on demande à nos amis, on les dit, ok, faites-moi des faux hold-up, Ça, mettons, tu demandes à 6, là, dans les prochains 3 mois, dites-moi le pas. Des faux hold-up. Des faux hold-up. Tu pratiques, ouais. Ouais. Ça va être pratique. Fait que maintenant, à chaque fois, tu fais comme ah, oh, tu niaises-tu pas, nanana. Fait que quand le vrai hold-up arrive, tu sais pas si c'est un vrai ou si c'est un faux. Fait que tu sais, t'es chill. T'es entre deux, t'es chill. Ah, oh, d'après moi, c'est Serge, je le reconnais. Non, ok, prends-le, l'argent. Mmh. Puis encore une fois, comme Louis disait, tu peux donner vraiment l'argent à tes chums. Et, Fait que c'est, ouais, c'est criminel, mais c'est correct. Parce oui, c'est criminel, mais c'est correct. C'est une solution mais pour rentrer agréable. C'est tout un peu chez Pavlov aussi de dire, comme si tes amis, mettons, à chaque fois que t'es voix, ils te sortent un gun, puis après ça, ils te donnent un bec. Tu fais, ah, sortant un gun, c'est cool. Ouais, mais tu vas t'en donner un bec. Ben, à la limite, cette personne-là manque probablement d'amour, Fred. S'il fait des hold-up, ça, pensez aussi à ça. Je pense que si une personne fait un hold-up, ben, il manque d'argent. Mais tu dis, va chercher de l'amour dans une autre caisse. Peut-être, oui. Non, mais tu y vas avec la bonne vieille stimulation génitale, encore une fois. Admettons, à chaque fois que tu as une relation sexuelle, au moment de l'orgasme, tu sors un revolver ou tu demandes à ta blonde de te sortir un revolver, ben là, ça se peut que. Fait que là, il va sortir son gun, tu vas jouir. Ouais. Ah oui, ça se pourrait. Tout sur l'argent que tu allais y donner. Brillant. Ben, toi, tu disais mettre du caca sur l'argent. Hey, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est l'ordinateur tout pété qui a dit ça. Ouais. Mais du caca dans son argent. Ça continue de dire ça. Mais sinon, j'ai l'impression que si tu travailles dans un dépanneur, tu dois être constamment à la recherche d'une raison pour arrêter de travailler là. Oui. Mais de voir ça comme étant une bonne raison d'arrêter de travailler. Un traumatisme. Oh oui! Et puis là, tu fais CSST, bonsoir. T'es assurément syndiqué si tu travailles dans un couche-tard. Non, mais CSST, c'est pas nécessairement syndiqué. Mais non, c'est pas syndiqué pendant tout un couche-tard. Ben non. Non, non, mais je veux dire. Non, non, mais. La CSST, mettons, tu tombes sur la CSST. Ah oui. Ouais. C'est pour tous les travailleurs. Toi, c'est oui. Je sais pas ça. En tout cas. Ah ouais? Bref. Mais voilà. Ben, sortons les dernières solutions. Là, de... Ok, il y en a plein. On va squeezer. Squeezer des solutions. Ok, apprendre une chorégraphie de danse vraiment impressionnante pour se rendre jusqu'au coffre-fort. Le flash mob. Le flash mob. Ouais. C'est le gars fait. C'est trop bon. C'est drôle. C'est mais il n'y a pas de quoi à faire. Il n'y a pas un gag à faire avec les slush. Ben, si couche-tard sort une slush, mettons, genre hold up hallucinant. Là. Ouais. Tu lui dis, oui, j'ai donné l'argent, mais attends un peu, regarde ça. Prends ça et non peut-être oui. Peut-être tout faire avec ses pieds. Quand oui. Tu, oui, attends, je vais ouvrir la caisse. C'est super impressionnant. C'est bon. Ça. Ouais. My left foot rencontre le dépanneur. Ah, on est productif là, cette semaine. Oui. Ça. le faire avec ses cheveux, tu sais comme genre tes cheveux se mettent à. Non, c'est pas bien bon cette solution là. Hein. C'est opération super. Barre de pinot. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, marionnettes sinon. Derrière le comptoir. Les marionnettes. Ah, oh, mais toujours pas avoir de pantalon derrière le comptoir. Oui, c'est bon, ça c'est jamais. Oui. Ben, personne ne s'en rend compte jamais. Ben, c'est sûr, c'est au moment du job. Les gens se pas. Moi, quand je vois des panards, je fais pas comme... Faker le programme de réinsertion sociale. Ah oui! Moi oui, aussi, je faisais ça avant. Le programme de réinsertion, on va faire comme genre, « Hey, j'ai fait ça la semaine passée. » C'est ça, puis là, bon. Je travaille ici, d'autres, tu veux pas faire ça. Je fais plus d'argent. C'est super bon. Tu veux pas, alors arrête ça dessus. Ouais, j'aime ça. Ouais, aussi gars que te sors, je sais pas, un couteau, tu dis, « Ok, c'est temps qu'on se batte au couteau. » Ouais. Je sais pas, t'essaies de passer pour quelqu'un de plus débile que lui. Oui. Je sais pas, tu dises, hey, écoute, mon gars, si tu ranges pas ton couteau, je te pitch mon serpent venimeux que j'ai derrière le comptoir, dread sa jugulaire. Ou avant chaque shift, tu te fais faire plein d'effets. Tu demandes à quelqu'un, un maquilleur d'effets spéciaux, de te faire plein de cicatrices sur le corps. De balles, ouais, c'est ouais. Bon. Puis là, tu fais, ouais, pas de problème. Puis là, t'enlèves ton chandail. Il n'y a jamais personne qui m'a retiré une scène. Puis, c'est ça. C'est la stratégie de jazz, un peu, là, de on se montre nos cicatrices. Ouais. Et on a quelqu'un dans la salle qui. Oui. Qui lève la main. Il y a une question, je pense. Aller travailler avec un bon nylon sur la tête. Oh oui! Et faire toujours semblant de fouiller dans le coffre. Toujours très bon. Fait que, hey, t'es pas le premier, dude, ok? Trouve ton dépanneur. Oui. J'aime ça. À tous les jours, s'écrire une lettre avec la date d'aujourd'hui que tu mouilles puis que t'écris genre dans 50 ans, tu seras victime d'un hold-up. Fait que là, tu lui montres que t'avais comme une gilet pare-balles. C'est comme si Marty McFly t'avait donné. Comprenez le référent, oui. Oui. Ou Simon a essayé de convaincre le gars qui t'a hold up que toi, t'es lui, mais 10 ans, ah oui. 10 ans plus tard. Pierre, c'est moi. Ah, tu sais à quel point j'ai changé. Ouais. T'aurais pas dû faire ça. Viens par ici, on a un bateau et un fonds de retraite. Ouais. C'est bon, ça. Il a donné le pad à gratteux. C'est pas une mauvaise idée, je pense, de dire comme, hey, pour vrai, j'ai pas une scène, mais prends ce pad à gratteux-là. Comme ça, si jamais il gagne, il est facilement retraçable. Tu peux toutes les éliminer aussi. Je pense qu'il y a des codes de... Ouais, ah ouais, j'ai pas. Ou faire des dépôts peut-être, hein? Faire des dépôts très, très, très souvent. Ouais. Mettons, à toutes les fois que t'as une... T'as un 20$. Chose, mais même pas un 20$, c'est même du change. Ouais. Fait que t'ouvres ta caisse, mais comment tu gardes ton 20$ avec Grégory Charles dessus? Ben, tu gardes lui. Ben oui, tu le gardes, c'est ça. Ou il y a peut-être des répliques de mère aussi que tu peux dire comme genre, « Ok, je te donne ma vache, je veux mon bec. » Pour essayer de... essayer de le sensibiliser, picher sa fibre sensible. « Je veux mon bec. Ouais, » je... T'as-tu lavé tes mains? Ouais. T'as-tu lavé tes mains, tu donnes de l'argent? Ouais. C'est sale, c'est l'argent du monde. Ça, c'est parce que tu te tiens avec le petit Tommy que tu fais ça. Hein? Il est où le petit Tommy dans le char? Mais je sais que c'est lui qui t'a influencé à faire c'est ça. Qui t'influence. Mm. Ou bien, si jamais t'es quelqu'un qui se fait faire beaucoup de hold-up, non, mais tu sais, à partir du deuxième, tu peux dire, ben j'ai plus d'argent, je me suis fait hold-upper par. Puis là, tu décris le premier. Oui. Donc, tu mets aux trousses du premier le deuxième. Oui. Tu l'utilises. Oui, c'est ça. Cours après Snake. Là, oui, parce que c'est lui qui a ton argent. La banque est fermée. Donne-moi mon bec pareil. Je prends mon bec, mais cours après Snake. solution préférée? Moi, ma solution préférée, c'est renverser de la bière sur son ordinateur. Ouais. Ça, là, tu sais, c'est le fun. Ça va être encore plus le fun après le podcast. Essayez-la à la maison. Pauvre crotte. Eh bien, si tu savais tout ce qu'il y a là-dessus, que demain matin est important. Tabarploute. Ouais. C'est un cas de tabarploute, ça. Ouais, c'est pas grave. Il va être correct tantôt. T'es pas sur iCloud? Oui. excuse-moi. Je le dis pas comme il faut. iCloud. Non, oui, c'est ça. Ben, iCloud, j'ai. Mais oui. Final Fantasy, c'est ça? Oui. Oui, moi, ma solution préférée, j'en ai plusieurs. J'avais, entre autres, se pratiquer à faire des portraits robots pour arrive le moment, il dit attendez un peu, je vais vous le dessiner. Et faire hey, c'est exactement lui. Puis ça ressemble à un manga. Comme ça. T'avais des grands yeux, un petit nez. Tu le fais caricaturiste avec un skateboard. Fait comme, il avait l'air d'aimer ça, le tennis. C'est grosse palette. Il avait l'air d'aimer. Drôle. Il avait l'air d'aimer le tennis. Ah oui, oui. J'avais aussi se mettre un melon d'eau en dessous de la casquette. Oui. C'était une pop. Pour avoir l'air plus grand. Non, mais tu sais, tu peux mettre un melon d'eau en dessous d'une très grande, très grosse tuque. Je pense que t'aimais la solution B aussi des skis, hein. Non, les skis, je l'ai jamais aimé, ça. Non, ouais, okay. Non je l'ai pas aimé. Il y en a une autre aussi que j'ai aimé, mais je m'en rappelle plus. Moi, le bon nylon, personnellement, j'aime beaucoup ça, de faire comme, bon. Tu sais, t'arrives, puis t'es en train de faire ton propre... Il était temps que t'arrives! Ben ouais, je finis mon chef! C'est moi, joins-toi! Moi, j'ai fini ce dépanneur-là, mais j'allais faire l'autre. Ah ouais, tu t'en dis avec moi, on va l'essayer! Ah ouais. On va aller au temps d'un jardin, écoute. Le 20$ que Gary Charles aussi, tu sais, parce que... Parce que, tu sais, on n'en a jamais... C'est juste que tu peux pas le voir, le regarder. Non, puis c'est qu'est-ce qu'il fait, ce ton 20$, Grégory Charles? Parce qu'il fait tellement d'affaires, faut t'en choisir. Ben, c'est ça! Il se petit débrouille. Il fait... Ah. Moi, j'allais pour y faire un Inukshuk. Oh, oui, très bon. Ça fait très culture canadienne. C'est très culture canadienne. Moi, les petites répliques de maman, là. J'aime bien ça. Bon, hein. Tu veux mon bec? Ouais, je vais te donner l'argent, mais avant, je veux mon bec. Il est où, mon bec? Et si vous n'avez des solutions ou des problèmes... N'hésitez pas à venir nous proposer ça sur Facebook, sur notre groupe Facebook ou la page fan, sur Twitter ou par courriel podproblème@gmail.com ou en personne le 13 août, ici même au Bar Les Passages, les deuxièmes mardis du mois. Donc, venez faire ça et n'oubliez pas nous aussi, hein, j'ai de la misère à parler. Donc, on sent que c'est le quatrième podcast qu'on enregistre, qu'on est un peu plus chippé. Non, mais oublie pas, on est plus familier, c'est quand même. Oui, les dons sur PayPal. 175e. Oui, c'est 175e. Oui. Vous trouvez que ça vaut la peine de nous encourager ou de nous donner assez d'argent pour qu'on arrête? Donc, vous allez sur l'instant.com. Oui, un coup riche, on met la clé dans la porte. Là, c'est on... clair. Ben, si y a un message qui fait « Je vous ai donné un don, là, arrêtez ça. » Fermez le don. Fait que, on pourrait faire un genre de thermomètre. Là, ouais. Quand on a atteint un certain montant, on arrête. On arrête. Ouais. Donc, allez ça sur l'insta.com, pas d'apostrophe, et cliquez sur le petit piton PayPal. Et n'oubliez surtout pas d'aller voter pour nous sur iTunes et sur Balado Québec. 5 étoiles ou rien. Rien. 5 ou rien. 5 ou rien. Et puis, pour vous procurer le T-shirt de Pas de problème, qui est magnifique, hein? C'est sûr que c'est dur de vous le décrire, vu que c'est à l'audio comme ça, mais c'est un point d'interrogation avec toutes les meilleures insides de Pas de problème, dont l'Université de Nancy, la moufette qui pète, et j'en passe. Rendez-vous sur le site de MrDressUp.com pour vous le procurer. Oui, c'est un design d'Andy Boucher, notre gagnant, et... mais merci Boili Boileau pour l'enregistrement. Merci, bravo, merci, sans aucune erreur. Je garde l'espoir, vous allez me payer un jour. Oui. Et merci, bonne chance. Merci baladoquebec.ca. Et là-dessus, Louis. À Vélo Podcast, es-tu tombé sur la tête? Non, c'est pas ça, c'est pas ça que je demandais. Tu fais-tu quelque chose au mois d'août? Ouais, mon Dieu, je répare mon ordinateur. Non, ça, tu fais ça au mois de juillet. Ben oui, on fait de l'improvisation ensemble le 25 juillet, je pense. Ouais, c'est déjà passé. C'est déjà passé et t'as gagné à cause de la blague. On jouait dans la même équipe. La petite madame. Ben c'est ça, t'as gagné. Non, je sais pas, mais Louis, d'où? De retour à la LNI J'espère bien, sinon ben, je garde le trophée. Sinon, le mois d'août, je sais pas. Ben allez le voir. Allez le voir chez moi. Me demander ce que je fais. Tenez-vous au coin de quoi? Folhomme, là. Pis, oui, exactement. Puis au Parc Baldwin. Il va peut-être passer. Dans le coin du Parc Baldwin, ouais, normalement. C'est ça. Allez voir ça. Ouais. Et voilà. Et n'hésitez pas à venir. Je le dis, hein, je le redis. Merci à vous, public, qui êtes avec nous. Venez, les deuxièmes mardis du mois. Venez tenter l'expérience, pas de problème, et courez la chance de profiter du buffet qui est cette semaine, encore une fois, délicieux. Oh mon Dieu. Moi qui l'ai fait cette semaine. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai vu ça sur Internet. Tu mets des spaghettis dans des saucisses coupées, puis là, tu les fais cuire, puis ça fait comme des petits extraterrestres. C'est malade. Comme des Pour de vrai, ça sert à quoi cette recette-là? Parce que j'ai vu moi aussi sur Internet, j'ai fait comme ah, waouh! Puis après ça, j'ai fait, mais why the fuck? Ça fait rire les enfants. Ben oui, mais tu sais, mettons, fais la manger à la place. Donc, à côté des saucisses. T'as pas d'enfants. Je m'en voudrais de passer sous silence la bisque de homard de Giovanni Apollo. Oui, à côté des petites saucisses extraterrestres. Je m'en voudrais. Voilà. Bon, ben, déjà, le mot de la fin a déjà été dit. Qu'est-ce qu'on fait, Fred? Ben, je sais pas. Leur dit, vous avez un problème? Nous avons un podcast!